Quand je t'ai vu, je t'ai sauté dessus, pourquoi tu le demandes? Tes ongles taillés en amande, gratte-moi la tête, mon fasciné, gratte-moi la tête, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gratte-moi la tête, j'aime ça. La tête c'est fait pour penser, la mienne est vide, voilà mon drame. Quand tes doigts remuent sur mon crâne, il me semble avoir des idées. Gratte-moi la tête, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gratte-moi la tête, j'aime ça. Tiens, mais c'est vrai, j'ai une idée. Tandis que tu me creuses les méninges, on dit que l'homme descend du singe. Eh bien, on va y remonter. Gratte-moi la tête, c'est bon. Gratte-moi la tête, j'aime ça. C'est bon. Tu me gratteras toute la journée. C'est bon. Moi je m'éplucherai des bananes. C'est bon. Les grosses puces de mon âme. C'est bon. Tu n'en feras qu'une bougée. Gratte, gratte-moi la tête. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Gratte-moi la tête, j'aime ça. C'est oh oui, bon. C'est bon. C'est bon. J'aime ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon.